to can buy. DJ Bookson, DJ Loïc, DJ Boogie, Black, Ndola, Ndola. You know what it is? Stop, j'ai dit stop. Y'en a marre, t'es amoureux si tu mes potes. En boîte, tu fais la pute. Te mets sur Facebook, tu nous sors des versets bibliques. Pour toi c'est fini, même dans les prophètes t'es connu. Tu fais la cata comme Riri, oh ma jolie, tu connais ton sort. Tu fais des selfies, dans les toilettes de bois de nuit. Et sous la photo tu écris, Dieu elle te contrôle. Elle a voulu ta clé, fiston Ingani. Elle a voulu ta clé, Yannick Elenga. Elle a visé, je le veux beau Mandoki. Si tu la vois, dis-moi où pointe la dit toi. Oui c'est une Ndola. Ndola. Oui c'est une Ndola. Ndola. Oui c'est une Ndola. Ndola. Ndola. Ndola. Oui c'est une Ndola. Ndola. On se connaît, ma chérie, on se connaît. Tu veux manger couscous, mais chez toi c'est ma témelle. Tu parles de Gucci, Dolce & Gabbana. On sait que ton shopping, tu le fais chez Jawara. En bas de nuit, toujours devant la scène. Elle bouge comme un ver de terre qui touche du sel. Un regard vide comme celui d'un chien qui couche à collant serré sans calvaro. Elle a voulu tacler Christian Ingani. Elle a voulu tacler Aban Okila. Elle a visé le DG Toto Jacky. Si tu la vois, dis-moi où pointe la du doigt. Oui, c'est une Ndola. Ndola. Oui, c'est une Ndola. Ndola. Oui, c'est une Ndola. Ndola. Ndola. Ndola. Ndola, Ndola, Ndola, Ndola. Oui c'est une Ndola. Ndola, Ndola. Elle a voulu tacler Richou Kingston. Elle a voulu tacler Rodel Antimou. Elle a aussi visé tacler Claudicia. Si tu la vas, dis-moi où pointe la du doigt. Oui c'est une Ndola.